Une seule fois, nous en avons parlé avec M. X à propos de mai 1958. Mais il était impossible que mon interlocuteur n'en sache pas un peu plus. Dans ces trois dernières décennies, l'île de Beauté a occupé une place importante, peut-être même démesurée, dans l'actualité et les manchettes de nos journaux. En effet, à plusieurs reprises depuis les années 70, les nationalistes ont accusé le pouvoir de faire appel à des barbouzes, des polices parallèles, et des agents des services secrets. Fantasme ou réalité? Dans cette île éminemment politique, l'intoxication est élevée au rang des beaux-arts et les mouvements indépendantistes ont su en jouer avec maestria face à des autorités timorées, sinon complaisantes, en tout cas presque toujours impuissantes, comme viennent de le démontrer récemment deux rapports parlementaires. J'ai donc interrogé M. X sur les affaires corses. C'était il y a plusieurs semaines, alors que les terroristes corses venaient de franchir un nouveau pas en dynamitant en plein jour deux bâtiments publics à Ajaccio. Comme à son habitude, M. X ne m'a pas répondu tout de suite. Sans doute avait-il besoin de se replonger dans ses dossiers ou bien encore de s'informer auprès de ses collègues en retraite ou encore en service. Et cette semaine, enfin, il m'a proposé d'évoquer une affaire du début des années 80. Une affaire, m'a-t-il dit d'emblée, particulièrement représentative parce qu'elle est au cœur des rapports ambigus qu'entretiennent les nationalistes, certains en tout cas, et les milieux mafieux. Elle illustre donc une dérive qui n'ira qu'en s'amplifiant au cours des années 80. Mais elle met également en lumière ce qu'on appelle pudiquement les dysfonctionnements de l'administration et qui se traduit sur le terrain par une guerre des polices qu'on retrouvera en d'autres occasions. Enfin, c'est une affaire qui démontre aussi comment, en Corse, on peut manipuler l'opinion publique. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les cartes de géographie sont parfois malicieuses malgré elles. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez dire là? Bah, vous prenez la carte de France telle qu'elle est traditionnellement représentée, et pour des raisons de commodité, la Corse s'est rapprochée du continent. Oui, bien sûr, elle se trouve en bas à droite. Hein, justement. Ouais. Et cette représentation ne donne-t-elle pas l'impression que l'épineux cap Corse ne demande qu'à se planter dans l'épiderme continental? C'est une plaisanterie. Bien entendu. Mais cette carte de géographie donne quand même une idée assez juste des rapports que la métropole entretient avec la Corse depuis que celle-ci est française. C'est-à-dire un peu plus de 200 ans, je crois. Enfin, d'une certaine façon, la France a toujours eu mal à la Corse. L'expression n'est pas de moi. Hein. Je l'ai entendue à la radio dans la bouche d'un de vos amis, Philippe Alfonsi. Ouais, je me souviens, oui. Et vous-même, qui connaissez bien la Corse et ses problèmes, vous savez très bien qu'entre les insulaires et nous, ça n'a jamais cessé d'être une relation d'amour, haine. Oui, il y a même eu un ancien Premier ministre pour dire ouvertement, bah, si les Corses veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Oui, c'était Raymond Barre. Oui, tout à fait. Mais bien avant lui, à la fin du 19e siècle, des hommes politiques importants ont même recommandé que l'on se débarrasse de ce boulet, comme il disait. Ouais. Enfin, il n'empêche, hein, pour être sérieux, là, qu'en 1914, on était bien contents de trouver les Corses hein, qui ont payé un lourd tribut à la guerre. Et proportionnellement, il y a eu plus de victimes corses que de morts continentaux. Hein, c'est juste, le savoir. Hein, oui, c'est vrai. Bon. Enfin, venons-en à ce dossier dont je voudrais vous parler. On est en 1983. Et une fois de plus, la situation est explosive. Je résume à grands traits. Après l'élection de François Mitterrand, le FLNC a décidé une trêve. Voilà, en échange de l'amnistie des nationalistes qui étaient emprisonnés. Oui, oui, mais enfin, surtout, le pouvoir socialiste a promis aux Corses un nouveau statut, donnant une plus grande autonomie aux institutions de l'île. Mais les nationalistes se méfient. Et les plus durs d'entre eux continuent à dénoncer le colonialisme métropolitain. Ouais. Et la trêve ne va pas durer très longtemps. En effet. Dès le début de l'année 82, les attentats recommencent. Et certains sont particulièrement violents puisque lors d'une attaque contre un camp de la Légion étrangère, un militaire est tué. Le résultat, c'est la décision gouvernementale de dissolution du FLNC au début de 1983. Mais pardonnez-moi, mais la dissolution d'un mouvement clandestin, moi ça m'a toujours paru cocasse. Oui, vous avez raison. Enfin, cela donnait quand même des armes juridiques aux magistrats et policiers chargés de lutter contre le terrorisme. En outre, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Franceschi, nomme comme préfet de police en Corse un flic particulièrement médiatique. Ah oui, Broussard. Hein. Broussard, oui. Ouais. L'homme qui a eu la peau de Messrine. Sa mission est claire, Il faut engager une lutte sans concession contre les terroristes. Et Broussard, si je me souviens bien, obtient quelques résultats. Hein. C'est exact. Plusieurs clandestins sont arrêtés. Bon, je ne vais pas ici discuter des mérites de Broussard, mais les quelques succès qu'il enregistre prouvent une chose. En Corse comme ailleurs, quand on a la volonté d'aboutir, on peut faire de la bonne police. Ouais, c'est tout de même un peu plus difficile en Corse. À cause de la prétendue omerta. Moi, détrompez-vous. En Corse, les gens parlent. Quand on leur donne de bonnes raisons de parler, évidemment. Ou quand on est assez habile pour les faire parler. La preuve nous a été donnée récemment lors de l'arrestation des assassins présumés du préfet Rignac. Comme vous le savez, ils se sont mis à table très rapidement. Oui, d'accord. Mais ne discutons pas des procédés. Enfin, là, on est en 1983. Oui, hein. Donc Broussard pilonne le FLNC et le gouvernement donne l'impression de jouer la carte de la fermeté. Mais ça n'est pas si simple. Mais pourquoi? Parce qu'en sous-main, d'autres essaient de négocier. Qui essaie de négocier? Des gens proches de l'Élysée, ou en tout cas qui s'en réclament. Et parmi eux, il y a les inévitables gendarmes de l'Élysée. Encore quand je dis gendarmes, je commets d'ailleurs une erreur, puisque dans la cellule antiterroriste installée près du président, il y a aussi des policiers, dont le très célèbre commissaire Pellegrini. En Corse, oui. Bien sûr. Nous aurons l'occasion de reparler de lui. Oui, mais quand vous parlez de négociation... Le capitaine Baril. Encore lui? Toujours lui, oui. Baril a donc noué des relations de confiance avec un nationaliste, Alain Orsoni. Notez-le bien, car c'est essentiel dans cette histoire. Orsoni est alors un dirigeant nationaliste important. Et c'est l'un des chefs du FLNC. Un chef clandestin. Il a été condamné pour avoir tiré sur des gendarmes à Paris. Mais il a été amnistié, comme les autres Corses, en 1981. Donc Baril rencontre discrètement Orsoni. Et lui propose de faire des propositions écrites destinées au président Mitterrand. Est-ce que celui-ci, enfin Mitterrand, est au courant ou est-ce, comme souvent, une initiative personnelle de Baril? Difficile à dire. Baril, je vous l'ai dit, est un homme de coup. Il se dit peut-être qu'il tient dans ses mains le destin de la Corse, donc il fonce. Et effectivement, la direction du FLNC va rédiger une lettre pour Mitterrand. Une lettre dont on ne sait pas si elle sera ou non remise au chef de l'État. Mais les initiatives de Baril et des gendarmes élyséens ne sont pas passées inaperçues. Pas passées inaperçues. Broussard, par exemple, en arrivant? Naturellement. Les hommes du GIGN ont été vus en Corse à plusieurs reprises. Même si quelques rendez-vous avec Orsoni ont lieu à Paris. Et les rapports sont encore devenus un peu plus exécrables entre la cellule de l'Élysée et la police. Ouais, la guerre des polices, quoi. Oui, comme celle qu'on constatera plus tard lors de l'enquête sur l'assassinat du préfet Rignac. On se surveille, on s'épie, on se met des bâtons dans les roues, enfin c'est assez lamentable. Mais bon, est-ce que cette tentative de négociation produit des effets? En tout cas, après avoir soufflé le froid en envoyant Broussard, le président Mitterrand entend souffler le chaud. Et à la mi-juin, il se rend en voyage officiel en Corse et il flatte les sentiments nationalistes en rappelant l'existence de l'identité corse et en appelant au dialogue. C'est donc qu'il s'est peut-être passé quelque chose avant, hein? Je le pense, oui. D'autant qu'à l'occasion de ce voyage présidentiel, le FLNC a décidé d'observer une nouvelle trêve. C'est effectivement un signe d'apaisement, en tout cas. Surtout quand on pense que depuis le début de l'année, on en est déjà à 300 attentats. Mais patatras, Mitterrand est à peine remonté dans son avion qu'une affaire éclate, qui va tout brouiller et envenimer à nouveau les rapports entre le pouvoir et les nationalistes. Mais je vois où vous en êtes. Vous voulez parler de la disparition du frère d'Alain Orsoni. Oui, et croyez-moi, il ne peut s'agir d'une coïncidence. Effectivement, le rapprochement des dates est intéressant. Le voyage de François Mitterrand, au cours duquel le président fait manifestement un signe en direction des nationalistes, a lieu les 13 et 14 juin 1983. Or, la disparition de Guy Orsoni se passe immédiatement après, le 17 juin exactement. Monsieur X l'a dit, il existait une véritable guerre des polices en Corse. Pour se rendre compte à quel point les rapports entre la police et les gendarmes de l'Élysée étaient tendus, il suffit de se reporter au livre de Paul Baril, « Guerre secrète à l'Élysée ». J'en extrais ce passage où l'auteur évoque Broussard. Cette ancienne vedette de la police, rebaptisée « l'homme qui court plus vite que son ombre » par les hommes de la BRI, depuis une fusillade panique à l'ambassade d'Irak à Paris, où sous les flashs des photographes, il fut immortalisé en train de courir, n'aime pas les gendarmes. Pas de chance pour moi. Nos routes s'étaient croisées jadis et plutôt mal à deux ou trois reprises. Fonctionnaire ambitieux à la vision étroite, il ne comprend rien à la situation dans l'île de Beauté. Il a de plus des ordres précis. Le pouvoir l'a chargé de criminaliser le terrorisme corse pour démontrer qu'il n'a rien de politique et apparenter à un banal racket et au trafic de drogue les événements qui s'y déroulent. Les contacts plus politiques dont j'ai la charge, ainsi que mes diverses rencontres avec Alain Orsoni et d'autres comme Marcel Lorenzoni, se multiplient sous l'œil des policiers et créent une tension générale plutôt malvenue. On peut lire à peu près les mêmes amabilités, dans l'autre sens évidemment, en parcourant le deuxième tome des mémoires de l'ancien commissaire Broussard, qui évoque, je le cite, « la capacité quasi surhumaine du capitaine à s'embourber dans des affaires tordues ». Oui, il dit que c'était le 17 juin, donc 3 jours après la visite du président de la République. Effectivement, oui. Ouais. Et dans quelles circonstances alors? Ce 17 juin, d'après sa famille, Guy Orsoni circule entre Sartène et Porto Vecchio, au sud de la Corse. Dans quel but? Il a l'intention de faire une visite à des parents. Jusqu'à maintenant, on a parlé de son frère Alain, et lui aussi, Guy, c'est un militant nationaliste? Tout à fait. Amnistié, tout comme son frère en 1981. Il appartient à ce qui s'appelle alors la consulte des comités nationalistes, c'est-à-dire, comme il est convenu de l'appeler, la vitrine légale du FLNC. Et c'est un jeune homme actif et très populaire, comme son frère Alain d'ailleurs. Tous deux, passez-moi l'expression, ont de la gueule et sont brillants. Ouais, d'accord. Donc Guy circule au sud de la Corse. Et il s'arrête pour téléphoner à son frère et le rassurer. Le rassurer pour quelle raison? Depuis quelques jours, les deux frères ont remarqué qu'ils étaient suivis. Une petite auto rouge, une Visa, si je me souviens bien. Ils savent qui les suit? Militants d'un mouvement indépendantiste, ils peuvent légitimement penser que ce sont des policiers qui les surveillent. Je vous donne toujours la version familiale, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a une autre. Bien sûr. Enfin, n'allons pas trop vite. Donc, Guy téléphone à Alain et lui dit qu'il a réussi à semer ce qu'il file. Et il continue sa route vers Porto Vecchio. Mais on ne le reverra jamais. Et 3 jours plus tard, Alain se rend à la police judiciaire. Pour signaler la disparition de son frère? Non. Il croit, enfin c'est ce qu'il déclarera à la PJ, que Guy a été interpellé par la police. Et il demande une confirmation. Que les policiers ne peuvent pas lui donner? Bien évidemment. Mais quand Orsoni leur parle de la petite auto rouge qui les filait, lui et son frère, ils dressent l'oreille. Et pourquoi alors? Parce que ça leur rappelle tout de suite quelque chose. Les enquêteurs du SRPJ d'Ajaccio ont récemment surveillé une équipe de truands qui le soupçonnaient de préparer un hold-up. Or, certains d'entre eux se déplaçaient justement dans une Visa rouge. Encore une coïncidence. Oui. Il y a beaucoup de coïncidences dans cette étrange affaire. Et qui sont ces truands-là? Ils appartiennent à un gang qui sévit au sud de la Corse, dans ce qu'on appelle le triangle de Valenco. Un endroit redoutable. On y a compté dans les dernières années une quinzaine de mystérieuses disparitions. Des assassinats? Vraisemblablement. Et qui n'ont bien sûr jamais été élucidés. Et qui dirige ce gang-là? Le chef, c'est un vieux cheval de retour qu'on nomme Jeannot Lelon. Mais il y a aussi un homme qui vient de regagner son île après de multiples aventures. Il s'appelle Jean-Marc Leccia. Et on dit que c'est l'un des meilleurs chimistes de la drogue. C'est-à-dire un type qui transforme la drogue brute en héroïne. Oui, oui, à ce titre, les policiers le considèrent comme un gros bonnet. Et autour d'eux, il y a naturellement pas mal de porte-flingues. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas, que tous ces gens ont apparemment des activités respectables. Ah, respectables, quoi, par exemple? Ils sont restaurateurs ou propriétaires de boîtes de nuit. Et, comme vous pouvez l'imaginer, ils entretiennent d'excellents rapports avec le personnel politique local. Ça continue, d'ailleurs. Les successeurs de ces truands sont des notables, quasi intouchables, et qui ont pignon sur rue, et qui sont parfois aussi des élus, mais enfin passons. Et leurs revenus? Classique, raquettes, drogue, machine à sous. Ouais. Mais vous avez dit qu'en 1983, la police les soupçonnait de vouloir perpétrer un hold-up. Oui, parce que les flics étaient à peu près certains que cette même bande avait déjà à son actif le hold-up d'une agence bancaire d'Ajaccio. Par conséquent, la PJ avait à l'œil les principaux membres du gang, et en particulier un certain Andréani. Un homme de main. Ces hommes étaient filés alors? Et des écoutes avaient été mises en place. Et c'est justement grâce à une écoute téléphonique que les policiers ont compris que quelque chose se préparait. Comment Un bar où travaillait la maîtresse de cet Andréani dont je vous ai parlé était particulièrement écouté. Or, un jour de juin, les policiers ont entendu cet homme de main demander à sa compagne de lui faire parvenir son calibre, comme on dit là-bas, et une cagoule. Le calibre, c'est... revolver, pistolet. Donc ça, c'était clair. Hein? Oui, très clair, oui. Mais les gars de la PJ ont cru qu'il s'agissait d'un hold-up, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un enlèvement. L'enlèvement de Guy Orsoni. De Guy ou d'Alain, ou peut-être même d'un autre membre de la famille. En effet, ce n'est pas anodin, quand il a été enlevé, Guy conduisait une Mercedes appartenant à son oncle. Et vous pensez qu'on aurait pu prendre le neveu pour l'oncle? Pourquoi pas? Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était la famille Orsoni qui était visée, vous comprenez? Je veux bien, mais ce qui m'étonne quand même, c'est, même si les policiers ne savaient pas que c'était un enlèvement qui se préparait, c'est que cet enlèvement ait pu avoir lieu, enfin, malgré la surveillance dont ces gangsters étaient l'objet. Oui, oui, enfin, c'est une question assez intrigante. Je ne veux pas faire l'avocat des enquêteurs de la PJ, mais ils ont donné une explication. Et quelle explication? Ils ont dit qu'ils suivaient la voiture d'Andréani. Or, soudain, celui-ci a fait demi-tour, les policiers ont cru qu'ils avaient été découverts et ils ont décroché. Ils ont donc abandonné la filature. Exactement. Malheureusement, peu de temps après, Guy Orsoni disparaissait. Ce qui pouvait donner prise à tous les soupçons. Bien évidemment. Il était facile ensuite de prétendre que ces policiers avaient cessé de filer Andréani pour lui permettre d'agir en toute tranquillité. Et donc d'enlever Guy Orsoni. Ouais. Alors, Revenons à ce que vous disiez tout à l'heure. Alain Orsoni se présente au commissariat. Il parle de la visa rouge. Et tout de suite, les enquêteurs de la PJ font le rapport avec les filatures qu'ils ont menées. C'est cela. Mmh. D'autant que dans une autre écoute téléphonique interceptée après le 17 juin, deux membres de cette équipe de gangsters évoquent à mot couvert une mystérieuse disparition. Mmh. Les policiers font donc tout de suite le rapport. Naturellement, et à partir de là, tout va très vite. Toute la bande est interpellée. Seuls deux d'entre eux, dont Jean-Marc Letchia, parviennent à échapper à l'arrestation et fuient vraisemblablement à l'étranger. Ouais. Mais est-ce que les policiers peuvent les convaincre d'avoir des preuves qu'ils aient enlevé et sans doute tué Guy Orsoni? André Hanil, le premier, très rapidement parle. Et il balance le reste de la bande. Il avoue, non? Oui, ouais. Tout en niant sa propre responsabilité dans l'affaire. Il raconte que c'est le parrain local, le Jeannot Lelong, qui a pris la décision d'éliminer un membre de la famille Orsoni. Donc, on revient à ce que vous disiez, pas forcément Guy. Oui, et il désigne l'un des tueurs, un nommé Salvatore Contini, un sarde, qui a trouvé refuge en Corse parce qu'il avait eu des problèmes avec la police italienne. Pour quel motif? Contini était un spécialiste des enlèvements avec rançon. C'était une brute, un type sans scrupules qui tuait comme on se couche. On a même dit qu'il donnait ses victimes à manger au porc. Un joli personnage. J'ajoute pour compléter le tableau que Contini avait dû sa liberté à la dénonciation de ses complices. Un repenti. C'est ça. Oui. Ouais. Est-ce qu'on a su ce qui était exactement arrivé à Guy Orsoni? Pas vraiment, non. Certains ont prétendu qu'il avait été torturé au chalumeau avant d'être abattu. Ce qui est simplement sûr, c'est que les truands ont fait disparaître son corps. Son corps, mais aussi la voiture qu'il conduisait. On ne retrouvera ni l'un ni l'autre. On découvrira seulement la montre du jeune militant nationaliste, au poignet d'André Hanil d'ailleurs. Mmh. Donc, les policiers ont arrêté les commanditaires et les exécutants, à l'exception de deux d'entre eux, hein, on est d'accord. Mais le mobile? Encore une fois, c'est André Hanil qui parle. Et il raconte une histoire classique du milieu. Une histoire de rivalité entre gangsters. Entre gangsters, mais Guy Orsoni n'était pas un homme du milieu. Sans doute. Mais là, sa famille, ce n'était pas tout à fait pareil. L'oncle, en particulier, avait un passé judiciaire. Or, ne l'oubliez pas, c'était sa voiture que conduisait Guy. Mais alors, cette histoire de rivalité? D'après André Hanil, toujours, Orsoni, l'oncle, aurait voulu empiéter sur le territoire du gang de Valenco. Comme le parrain local, Jeannot Lelong refusait de voir un gang rival s'installer sur ses terres, l'oncle lui aurait rappelé opportunément que ses neveux étaient des chefs importants du FLNC. Vous voulez dire qu'il aurait menacé ce Jeannot Lelong de faire intervenir contre sa bande un commando du FLNC? Exactement. Mmh. Toujours selon André Hanil, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors la décision aurait été prise de liquider un Orsoni à titre d'avertissement. Ouais. Et vous, que pensez-vous de cette version? Elle n'est certainement pas tout à fait fausse. Mais ne tient pas compte d'un élément essentiel. C'est que derrière cette histoire de voyous, il y avait une manipulation. Rendez-vous avec X. Une manipulation, a dit Monsieur X. Nous allons y revenir. En attendant, reportons-nous à ce livre de Robert Broussard que j'ai déjà cité, le deuxième tome de ses mémoires, paru en 1998 chez Plomb. L'ancien commissaire devenu préfet évoque les aveux d'André Hanil. Toujours selon André Hanil, les truands soupçonnaient l'oncle de préparer une opération de racket contre eux, menace de mort à l'appui. Pour les convaincre de sa puissance de frappe, il avait, paraît-il, fait allusion au rôle de ses neveux au sein du FLNC. Les caïds du Valenco, convaincus qu'ils bénéficiaient effectivement du soutien de poseurs de bombes, avaient pris ces menaces au sérieux. Les deux frères Orson étaient-ils informés de cette démarche? Probablement pas. Roger aurait, semble-t-il, agi de sa propre initiative en s'abritant en quelque sorte derrière le FLNC pour concrétiser d'éventuelles intentions crapuleuses. Toujours est-il qu'André Hanil aurait aperçu Roger Orson et deux jeunes peu de temps après à l'entrée de Propriano. Jeannot Lelong, provoqué sur son territoire, avait tout de suite décrété la mobilisation générale. C'est ce jour-là, raconta son lieutenant, André Hanil, que la décision a été prise de se débarrasser de Roger et de ses neveux. Alors cette manipulation, elle a raconté? Je vous l'ai dit, cette histoire de concurrence entre bandes rivales est vraisemblable, mais n'est pas forcément vraie. Qu'est-ce que ça signifie? Imaginez qu'on l'ait inventé, ou à tout le moins qu'on ait fait tout ce qu'il fallait pour lui donner du corps. La Corse est toute petite, tout le monde se connaît. Oui, je sais, et l'information circule très vite. Oui, oui. Alors il suffit que quelqu'un de mal intentionné murmure dans un bar d'Ajaccio que le clan Orsoni veut tailler des croupières au gang de Valenco pour que l'information soit immédiatement répercutée dans le sud de l'île, à Propriano ou à Porto Vecchio. Je caricature, bien sûr, mais c'est quand même le schéma général. Donc on aurait peut-être tout fait pour déclencher cette guerre? Je pense, oui. Pourquoi? Ah, parce que chez les Orsoni, il y a aussi deux jeunes gens qui sont très engagés dans le combat politique. Alors, en suscitant ce conflit, on va faire d'une pierre deux coups. D'une part, on provoque une flambée de fièvre nationaliste dans toute l'île. Et deuxièmement, on met en lumière les rapports ambigus qui existent entre certains indépendantistes et le milieu. Des rapports qui vont, au fil des années, d'ailleurs, devenir de plus en plus réels. Bien sûr, hein. Enfin, ça, c'était le danger de l'impôt révolutionnaire, comme ils l'ont eux-mêmes appelé. Ouais. Un impôt qui va devenir purement et simplement du racket au fil des années, et qui échappera peu à peu au contrôle de la direction centrale du FLNC et autorisera toutes les dérives et toutes les compromissions. Enfin, je m'éloigne. Ouais. Oui, enfin, assez peu d'ailleurs. Enfin, revenons à cette manipulation. Ah, attendez. Avant, voyons les conséquences de la disparition de Guy Orsoni. Très vite, les nationalistes parlent de crimes politiques. Mais ils accusent le pouvoir. Naturellement, l'occasion est trop belle pour les plus durs du mouvement. Ce sont les barbouzes de l'État français qui ont enlevé, torturé et tué Orsoni. Mmh. Pourtant, l'enquête de police prouve sans aucun doute possible que ce sont des truands. Oui, mais enfin, des truands qui ont agi en service commandé. D'ailleurs, disent les nationalistes, ces gens-là ont toujours eu des rapports avec le milieu politique local. D'accord, mais principalement avec le milieu de droite. Hein. Or, en 1983, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir. Vous avez raison, mais enfin, peu importe, on fait l'amalgame. Et on remarque que parmi les affidés du gang de Valinco, il y a un certain Félix Rousseau. Qui est celui-là ? Un restaurateur qui a été condamné autrefois pour trafic de drogue. Et cet homme est le beau-frère du commissaire Pellegrini qui appartient à la fameuse cellule de l'Elysée. Et en outre, je peux vous le dire, Rousseau a occasionnellement collaboré avec les services. Le SDEC ? Oui. Ouais. Donc les nationalistes n'ont peut-être pas tout à fait tort quand ils accusent les barbouzes. Dans une certaine mesure, ils ont raison, puisque je vous ai dit qu'il y avait eu une manipulation. Mais dans les faits, ils ont tort. Ce sont vraiment des truands qui ont assassiné Guy Orsoni. Je me souviens en tout cas que cette disparition a provoqué une émotion énorme en Corse. Oui, c'est juste. Et très habilement, les dirigeants du FLNC font monter la mayonnaise. Et bientôt, avec la complicité des ennemis de Broussard. Les gendarmes de l'Elysée. Par exemple. Ouais. Donc bientôt, il se construit un étrange scénario. Le secrétaire d'État, Franceschi, qui accompagnait le président de la République lors de son voyage en Corse, serait venu avec une valise de billets. Une valise contenant 100 millions d'anciens francs. Ouais. Et l'argent pour quoi faire ? Selon certains, il s'agissait d'acheter la paix pendant la visite présidentielle. C'est-à-dire de payer le FLNC afin qu'il ne commette pas d'attentats ? Bien sûr, c'est une pratique qui sera souvent utilisée, même sous les gouvernements qui voulaient terroriser les terroristes. Mais pour d'autres, cet argent devait servir à payer les tueurs d'Orsoni. Et les nationalistes font remarquer que Franceschi s'est attardé dans l'île après le voyage présidentiel et qu'il a déjeuné avec Pierre-Jean Massimi, le secrétaire général de la préfecture de Bastia. Rien de bien anormal, non ? Oui, mais les nationalistes considèrent que ce Massimi est l'homme qui a été chargé de lutter contre eux par tous les moyens. Donc, ils prétendent que les 100 millions ont été remis à Massimi, à charge pour lui de payer les barbouzes chargés de tuer Orsoni. C'est un peu tiré par les cheveux, hein ? J'ai envie de vous dire qu'en Corse, tout est possible. Et c'est vrai qu'avant 1981, des barbouzes ont réellement agi dans l'île. Mais dans le cas de Massimi, non. C'est une pure fiction. Toutefois, ça paraît suffisamment crédible pour que des militants sincères soient abusés. À partir de là, comme toujours en Corse, l'engrenage de la violence est inévitable. Oui, Massimi va être assassiné. Oui, 14 ans avant la mort du préfet Rignac. Un sous-préfet est tué en Corse. Et le FLNC va revendiquer son assassinat. Mais avant lui, il y a eu d'autres morts. Lesquels ? Un truand, proche de Jeannot Lelong, puis Félix Rousseau. Le beau-frère de Pellegrini. Et à l'évidence, la cible est éminemment symbolique. Et toutes ces morts sont effectivement revendiquées par la FLNC ? Oui, mais ce n'est pas fini. Le caïd du gang de Valinco, Jeannot Lelong, meurt à la fin de l'année 1983, en prison. Il avait un cancer. Mais à la même époque, son complice, Jean-Marc Leccia, est arrêté aux États-Unis et extradé. Il rejoint dans la prison d'Ajaccio les autres membres de la bande. 6 mois plus tard, le FLNC va entreprendre une de ses actions les plus spectaculaires. Oui, l'affaire de la prison d'Ajaccio. Exactement. Ouais. Je vous rappelle les faits. Bien volontiers. Ouais. Un petit matin de juin 84, deux gendarmes qui encadrent un détenu se présentent devant la prison alors que les gardiens sortent les poubelles. Ce sont bien sûr de faux gendarmes. Puissamment armés, ils neutralisent les gardiens, s'emparent des clés et se dirigent vers les cellules où se trouvent les gangsters du triangle de Valinco. Le Sarde, Contini, puis Leccia sont aussitôt abattus. Et les autres ? Le commando se rend dans la cellule d'Andreani. Andreani, c'est celui qui a parlé. Hein ? Oui, et semble-t-il, les types du FLNC l'interrogent. Mais l'alerte a été donnée. Bientôt, la prison va être cernée. Et le commando finira par se rendre. Cette opération audacieuse, si je me souviens, provoque aussi une énorme émotion en Corse. Et il se trouve peu de gens pour la condamner vraiment. Pour l'opinion corse, le commando du FLNC a fait justice. À la vendetta. Exactement. Mais ces gangsters ne seront pas les derniers morts de l'affaire Orsoni. Lorsqu'Andreani sortira de prison, 2 ans plus tard, il sera presque immédiatement abattu. Par le FNC? Ou par ses amis qui n'avaient pas oublié qu'il avait parlé, qu'il avait dénoncé ses complices. Oui, en effet, assez plausible. Mais ce qu'il faut remarquer, et cela seul compte, c'est que ces assassinats, ces règlements de compte, cette violente dénonciation de l'État français et de ses barbouzes, ont abouti à approfondir encore un peu plus le fossé entre les nationalistes et les autorités. Et si je comprends bien, c'est ce que cherchaient au fond les auteurs de la manipulation. Oui, rappelez-vous ce que je vous disais au début de cet entretien. Un contact avait été établi avec les nationalistes. Oui, grâce à un baril. Et ce n'était peut-être pas le meilleur intermédiaire. Enfin, peu importe. Anna Orsoni voulait dialoguer avec le pouvoir. Il le fera d'ailleurs plus tard avec Pierre Jox. Et Mitterrand lui-même l'a prouvé au cours de son voyage en Corse. Lui aussi était prêt à faire un geste et à tendre la main aux nationalistes. Et vous pensez qu'on a voulu saboter cette tentative de conciliation? C'est évident. Et ce n'est nullement un hasard si justement c'est Anna Orsoni qui a été liquidé. Je veux bien vous croire, mais... Alors, qui se trouvait derrière cette manipulation? Des gens qui étaient opposés à toute modification du statut de l'île, c'est clair. Des Corses? Oui, des gens très proches d'un mouvement clandestin antinationaliste, Francia. Une organisation qui avait été plus ou moins soutenue par le précédent pouvoir et qui comptait dans ses rangs des policiers, quelques anciens des services. Ce sont ces gens qui ont suscité cette guerre entre truands et qui ont malheureusement réussi. Impossible de vérifier cette hypothèse. Pour ma part, je peux simplement vous livrer cette information. Au cours d'un voyage en Corse, j'ai rencontré l'un des membres du commando de la prison d'Ajaccio. Très proche de Guy Orsogne, il m'a affirmé que la veille de la disparition du nationaliste, un hélicoptère a longuement survolé la zone où a eu lieu l'enlèvement. À son bord, il y avait un célèbre commissaire. Pour finir, je voudrais vous lire un extrait d'un livre récent et particulièrement bien documenté sur la Corse, « Corse, l'État bafoué » de Jacques Folleroux, paru chez Stock. Ce journaliste du Monde écrit « La Corse est un casse-tête que redoutent tous les hommes politiques au pouvoir. Il n'y a que des coups à prendre, disent souvent ceux qui s'y sont frottés. Mais l'absence de réponse politique ambitieuse maintient à coup sûr la Corse dans un état de sous-développement et laisse le champ libre à la violence. De plus, l'impuissance chronique des pouvoirs publics à résoudre le problème corse conduit à s'interroger sur la nature même de l'État et sur ses relations avec les régions qui le composent. Est-ce réellement un démembrement sacrilège de l'État que d'imaginer un cadre politique original pour la Corse? Est-ce la porte ouverte aux archaïsmes ou bien n'est-ce pas, au contraire, une forme d'intégration digne d'un État moderne et sûr de ses valeurs? La Corse ne serait-elle pas, à sa manière, un aiguillon douloureux planté dans une république malade de son immobilisme? Et si malgré tout, comme moi, vous ne vous lassez pas des charmes de cette île, je vous recommande la lecture d'un petit bijou, la réédition d'un livre d'Émile Bergerat, paru à la fin du siècle dernier, « La chasse aux mouflons en Corse » ou « Petit voyage philosophique », un ouvrage réimprimé à l'initiative de DCA l'édition qui brosse un tableau lucide, ironique et amical de l'île de beauté et miraculeusement actuel. À samedi prochain, et je vous rappelle l'adresse internet de l'émission www.franceinter.com.